cul. Aïe. Excès de chichon dans les poumons, excès d'alcool tous les soirs fonce car nous déboulons le B. Nous découpons dans la street, nous écoulons la way. Excès bouffon de j'mets des 8 pour me taper la fuite. Excès de chichon dans les poumons, excès d'alcool tous les soirs fonce car nous déboulons le B. Nous découpons dans la street, nous écoulons la way. Excès bouffon de j'mets des 8 pour mieux taper la fuite. Ferme donc ton clapet, pédé, j'suis péqué, chien déqué, cherche même pas à m'intégrer. Avenir incertain, j'habite pas Saint-Germain des Prés. Rarement dans ma vie j'ai eu à faire un CV. ATP, CPG, puis grave des G2C léger. Ils pensent qu'à sniffer toute la note, j'ai aidé que je l'ai léché. J'suis un peu éméché, j'veux une pute au chemisier des faits. Même crier de chez crier, j'fais que nier les faits. Trop de trucs à dire, là si faut j't'apprécie pas, j'pédé. Demande pas vite si j't'apprécie pas. Il court après le buzz, il s'essouffle après 3 mètres. En voulant changer pour les autres, tu seras pour toi-même. C'est un concert, nous on annule pas. Moi j'suis parti de rien pour arriver nulle part. J'fais que me tuer au taf, j'ai plus le temps traîner au parc. Là c'est le pinon, narga et néoclash. Excès de chichon dans les poumons, excès d'alcool tous les soirs fonce car nous déboulons le B. Nous découpons dans la street, nous écoulons la way. Excès bouffon de Schmitt V8 pour mieux taper la fuite. Excès de chichon dans les poumons, excès d'alcool tous les soirs fonce car nous déboulons le B. Nous découpons dans la street, nous écoulons la way. Excès bouffon de Schmitt V8 pour mieux taper la fuite. Ouais, encore une autre trace de mes périples. Hawaï et la rive sud, c'est terrible, yeah. On plane, puis on sait pas comment on va atterrir. Enchaîné, enfermé dans cette chaîne de vie. On a seulement la musique pour calmer nos envies. Le système j'aime, le baiser à l'excès. J'ai pas les frites dans le même sachet. Mon flow est tight, impose le respect. J'clique de façon trop honnête. Les trois quarts n'ont pas les coronets. Le regard froid sous boisson polonaise. Canada, France, Belgique. Tes camarades mangent des gifs. Tes massacres quand je lance des rimes. Ouais, c'est l'avalanche terrible. Inspire-toi du maître. Laisse faire Miyagi. J'ai fait mes preuves sans les experts Miami. Ouais, j'couse, je kiffe grave. Kiké à 100. Mais pour faire revenir mes absents, il faut les 7 boules de cristal. Excès de chichon dans les poumons, excès d'alcool tous les soirs fonce car nous déboulons le B. Nous découpons dans la street, nous écoulons la way. Excès bouffon de Schmitt V8 pour mieux taper la fuite. Excès de chichon dans les poumons, excès d'alcool tous les soirs fonce car nous déboulons le B. Nous découpons dans la street, nous écoulons la way. Excès bouffon de Schmitt V8 pour mieux taper la fuite.